lundi douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lorinier. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Magique de 70% peuplé ce soir du Ben, Raton Lover, de cette vieille branche de Mathieu Boudreau, des feuillus pile poil, du luxuriant Arnaud Odette, d'une surprenante surprise cachée derrière un buisson, et du bourgeonnant Kevin. Et comme toujours, votre 70% vous est présenté ce soir par le roi de la forêt, Tommy Godet. Joe Pirate, pourquoi pas les deux? Courageux de se questionner, faites attention dans les escaliers. Un chihuahua, Courageux de se questionner. Faites attention dans les escaliers. Ouais, pour moi, il va falloir aller tirer dessus tantôt. De toute façon, on va commencer l'émission. Tout va se faire dans l'ordre. C'est pas ma première fois. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à 70%. On est très content de vous avoir avec nous. Avant de tout de suite se lancer dans l'entrevue de début d'émission, j'aimerais annoncer le fait que hier on a écouté les quatre longs métrages de Neil Breen, un en arrière de l'autre. Oui. Certains en sont sortis plus forts, d'autres ont abandonné avant la fin. Arnaud. Ce qui est sûr, c'est que c'est un réalisateur de génie. Et dernièrement, j'ai découvert ça suite à l'écoute de ces quatre longs métrages. Le monsieur fait un Indiegogo pour réunir la fortune qu'il va transformer en long métrage de qualité. Et ça fait vraiment réfléchir quand tu te dis qu'ils font des World of Warcraft à 182 millions et une campagne de pub de 220 millions et que Neil Breen prend 50 000 $ et fait encore beaucoup plus divertissant. C'est un talent qui se perd, faut respecter les créateurs indie, et même si je suis un des plus grands fans de Torrent de la vie, ça m'a fait plaisir d'aller donner 20$ à Neil Breen, et je vais me sentir tellement pas mal de le downloader dans le futur. Là-dessus, calice, ça n'a pas de sens. Es-tu un connaisseur de Neil Breen, toi, Simon? Pas du tout, j'ai croisé Elise dans le bus hier que tu faisais une belle rétrospective, puis comme je reprendrai la référence de Jacouille dans Les Visiteurs. Ah, voilà. Sinon, ben, peut-être que vous avez reconnu des gens un petit peu plus beaux qu'à l'habitude sur ce stage. Mesdames et messieurs, on peut les applaudir, deux des membres de Raton Lover, s'il vous plaît. Ouais. C'est bien ça, hein? Deux dés. Ouais, il manque de la viande, là. Oui, il manque trois viandes. Il manque trois viandes. Ouais. Caroline, ça veut dire là, vous êtes un band de cinq? Cinq viandes. Hey, vous êtes optimiste, on s'apprécie. C'est rough, ça, au Québec, un band de cinq. Le dernier qui a réussi, c'est 15, genre. Encore là, sont quatre, je pense. Ah ouais, hein? Bon. Nous autres, on relève le défi, man. C'est bon, ça, j'aime ça. Bonne attitude. Là, moi, je me mélange pas. Simon, Martin, bienvenue à 70%. Est-ce que vous êtes des connaisseurs de douteux.org? En tout cas, je pense pas pour Simon, mais moi, de mon côté, oui. À Québec, il y a un bar qui s'appelle la Ninkasi du Faubourg, ben oui, qui projetait, ben, il projette encore justement des films ou des VJ sets. Ah, ils ont salué le chapitre de Québec. Chapitre de Québec. Ouais, on appelle ça de même, ça fait patcher, ça fait tough. Hein? Oh, oui, tu sais, toi, tu participes au chapitre de Québec, tu ne savais même pas. Ah, puis regarde, écoute, j'ai vu des classiques, là, des pièces d'anthologie là, là-bas. Là, American Ninja en fait partie. Il y a un autre film que je me rappelle pas le nom, mais il y a une scène là-dedans qui m'avait vraiment marqué. C'est un genre de film d'horreur cheap, où ce que le gars, à un moment donné, ils sont dans une cuisine, puis le tueur, il pogne sa victime, il crisse la tête dans la farine. Il le met dans la friteuse, puis quand il ressort, c'est comme juste une boule de panure. De panure, ah, ça, je pense que. Un coup de batte de baseball dessus, là, c'est succulent. Wow, c'est bizarre que je. Très ça, ça a l'air d'être le deuxième. Voyons, le, pas Jingle All the Way, là, mais le monsieur satanique de Noël, là, qui. En tout cas, Crime, ça me dit quoi? Ouais, mais ouais, j'ai jamais check. Réussi à le retrouver, mais c'était tellement une scène qui m'avait marqué, j'ai trouvé ça. T'étais à la bonne place pour régler cette affaire. Ouais. Sinon, ben, vous venez de Québec, c'est assumé, ça. Comment ça se passe à Québec? Vous faites pas de bicycle, sûrement? Genre, il paraît que c'est dangereux. Ça l'est quand même. Ben là, ouais. Il fait pas aussi beau qu'ici, par exemple. Fait qu'on n'a pas encore vu qu'ils sont sortis des bicycles. OK. Bon, ben voilà. Bon, on vous le souhaite, en tout cas. Il y a quand même une espèce de chicane entre les deux villes. Moi, je suis un petit peu de l'extérieur. Je viens de Val-d'Or, qui est bien meilleur que Rouen. Non, ça, c'est pas vrai. ça a rien à voir. Mais je veux dire, vous êtes né à Québec. Vous avez grandi là. Vous vous êtes rencontrés à l'école, là? Ouais, à Québec. OK. Cégep en musique. Ben oui, c'est ça. Il y avait sûrement encore du jus à aller tirer là-dessus. Là. C'était pas gêné, là. Ça t'arrive pas. Bon. Moi, là, en ce moment, là, je capote. Ouais. Je pense que je t'avais de shaker. Quelqu'un a-tu un. Je pense que je me sens plus dans mon élément en ce moment que lui. Ouais, un petit peu. Lui, il est plus de type radio-canadien. Ah, okay, moi, je fais la route des bars. Là, fait que si je demande, joues-tu à Magic, toi, c'est sûr tu me dis non, puis toi, peut-être, tu vas me dire oui. Ça se pourrait. Ça se pourrait que ça se passe de même, OK? Joues-tu à Magic? Non. Moi, non, j'ai jamais joué. Mais j'ai déjà fait des games de Donjons Dragons. Oh, j'aime ça. J'aime Marvel, les bandes dessinées, DC, ah ouais, tout ça. Puis, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, à un moment donné, on avait déménagé d'une maison, puis les anciens locataires avaient laissé du stock dans le sous-sol. Puis je m'étais ramassé avec un gros deck de cartes Magic. J'ai jamais su si c'était vraiment genre. Fait que t'as peut-être un gros paquet de cartes de Magic, c'est ça, que tu sais pas ce que ça vaut là, chez ça vous. Il faudrait que j'aille à l'imaginaire. Des messages, man. Hein? Tu vas recevoir des messages Facebook tout à l'heure pour t'acheter. C'est vrai. C'est tu vas faire une fortune, man, aux douteux à ce moment-là. Si, bon, j'espère que je les ai gardés. Ben je le souhaite au monde aussi, parce que ça devient des coteurs, hein. Si tu regardes pas, c'est bien. c'est vrai. Sinon, ben la musique, c'est sûr. Êtes-vous cinéphile un petit peu? C'est quoi tu fais, toi, Radio-Canada puis de la musique? C'est tout. Le reste du temps, je dors. Ah, c'est pas pire. Ça occupe. Ouais. Ça occupe. Ouais, c'est pas pire. Ça... Moi aussi, j'aime bien dormir. Ça tombe bien. Ouais. Ben, quoi qu'on n'a pas beaucoup dormi ces derniers temps, ouais, je veux dire. On revient d'une tournée, là. On est parti fin mars. On a fait une douzaine de jours de tournée, de show. Partout au Québec, genre? Ouais, même en Acadie. Aussi. Ouais, puis je vais dire, ben honnête, je pense qu'on a fait plus d'heures de route qu'on a eu d'heures de sommeil. OK. Sauf qu'on écoutait Radio-Canada sur la route. ça compte pour un entre-deux. Ouais, ça. Mais bravo, ça, en plus, ça vient avec votre deuxième album, c'est tout récent, ça? Février, ouais. Bon, c'est assez récent. Est-ce que c'est un album qui vous ressemble plus, pour lequel vous avez réussi à vous entourer des personnes avec qui vous étiez plus à l'aise pour travailler? Tout à fait. Ben, on a travaillé avec Danny Placard. C'est vraiment un add-on comment qu'on a rencontré Placard, en fait. On est allé au Metropolis voir un band qu'on aime beaucoup qui s'appelle Wilco. Okay. Puis on avait le goût d'un café, puis on est allé au bar du Metropolis, puis il n'y a pas de café. Fait qu'on n'a pas trouvé de café, mais on a trouvé Danny Placard. Quand même. Qui était là au bar, puis on a jasé un peu avec, puis de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment les mêmes influences musicales, les mêmes buzz. Puis comme deux semaines plus tard, on était à Francofête en Acadie, à Moncton. Puis il était là. On est arrivé là un soir d'avance, comme par hasard. Puis, mais il est en train de se faire un bon nom, lui, c'est le fun. Ouais, là, ouais, je veux dire, moi, je faisais des shows avec mi-2000 dans le temps, ça fait quand même une bonne trappe. Bravo, c'est le fun que tout le monde se retrouve comme ça. Ah, oui. Tu m'as parlé de quelque chose que je voulais en savoir plus, puis là, je l'ai perdu en parlant de moi. C'est ce qu'il faut faire en entrevue, hey, les enfants. Petite anecdote oui, aussi, s'il te plaît. La journée avant d'aller au Metropolis, justement, puis qu'on le croise, on embarque dans le char, puis même, je pense que c'était venu dans les discussions, tu sais, qu'on se disait, tu sais, bon, qui c'est qui pourrait réaliser, tu sais, bon, on avait entendu dire, ouais, je sais que Placard, il réalise des albums. Ah non, t'as plus ça, il faut que je le dise, comme il dit, qu'il réalise des albums. Il réalise, ouais. Il réalise. Ça n'a pas d'allure, on va te dire en affaire, en tout cas, mais. Puis, comme de fait, direct avant d'y aller au Metropolis, on embarque dans le char, on met la radio, puis Chris, c'est une de ses tunes qui joue, tu sais. On fait comme, hé. C'est un signe du destin. Ouais, ouais, le Zeitgeist, hein, sapristi, tout était Placard dans ce temps-là. Et puis là, ben, vous êtes à 70%, c'est votre première fois, on vous a tous branchés et tout. J'espère que ça va vous tenter de jouer encore des tunes tantôt. Absolument. C'est absolument. On compte sur toi. Mais on va. Tu fais bien. D'habitude, je suis assez fiable. Sinon, ben, à partir de maintenant, vous avez chacun un micro. Vous commentez quand ça vous tente. C'est pas mal la seule contrainte. Si ça te tente pas, dis rien. Là. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il a compris. À partir de maintenant, ben, les chroniqueurs s'en viennent. Let's go, s'il vous plaît! Bonsoir à tous, je suis Simon Cuissonnet et voici les nouvelles de la semaine. Un homme de 28 ans a braqué un pawn shop et volé un pistolet afin de commettre des méfaits. Il a été retrouvé et jugé pour cambriolage, vol, vol à main armée et possession illégale d'armes à feu. L'enquête a été menée avec brio par les services de police, cette dernière ayant retrouvé le vélo que le coupable avait laissé sur la scène du crime avec un sac contenant la carte d'un hôtel ainsi qu'un reçu pour la location d'une chambre dans ce même hôtel. Les coches se sont simplement rendus dans ce dernier où le suspect a avoué simplement les faits et a confirmé que le vélo était le sien. Le pistolet a été retrouvé dans les buissons pas loin de sa chambre d'hôtel. Après avoir été emmené par la police, le coupable a écrit une lettre d'excuse à l'attention du magasin. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Il y a vraiment... Ouais, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un bout qui était dans le miroir, là, puis il criait. Là. Qu'ai-je fait? Ben oui, quel monstre suis-je devenu? Il est peut-être born again, master, à cause de ça. Comment tu dis ça? Born again, genre Jesus all the way, là. Laisse-moi te faire l'amour, Jésus. Sortez de moi. Jesus is a friend of mine. Ouais, ouais, ça c'est très très bon, ça, c'est classique. Let's go next! États-Unis toujours, un homme de 59 ans a été suspecté de conduire sous l'influence de stupéfiants après avoir tenté de doubler un poids lourd sur un croisement de rue. Le chauffeur du camion tournait à droite sur la 17e rue de Costa Mesa quand le suspect conduisant une Mercedes-Benz a essayé de forcer le passage du poids lourd dans le virage à droite. Ce move digne de GTA a échoué lamentablement et la Mercedes a été coincée entre le camion et le trottoir. Le conducteur a été suspecté de conduite en état d'ivresse. On suppose. On suppose. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. C'est bien trop dur. À 1h du matin, ce lundi, donc c'est frais de ce matin, deux hommes masqués et armés d'une arme de poing et d'une bombe lacrymogène ont fait irruption au casino d'Évian-les-Bains. Menaçant deux membres du personnel, ils se sont fait conduire à un des coffres qu'ils ont tenté d'ouvrir. Après quelques minutes de manipulation, les malfrats se sont rendus compte que le coffre était au-delà de leurs compétences de crochetage et ont décidé tout simplement de quitter les lieux. Une attaque très rapide qui, selon le procureur de la République Philippe Tocanier, dénote une impréparation certaine, voire amateur et même au-delà. L'attaque n'a fait aucun blessé et les crocheteurs incompétents courent toujours en quête de coffres à crocheter pour faire gonfler leur perk crochetage. Effectivement, faut que t'investisses l'expérience. T'en as-tu une autre ou c'est la fête de... Oui. Tu fais chier. Ouais, let's go. La politicienne Marine Le Pen a fait fureur aujourd'hui, et ce n'est pas peu dire, en déclarant que la France n'est pas responsable de la rafle du vélodrome d'hiver du 16 juillet 42 où 4500 gendarmes avaient arrêté plus de 1300 personnes juives en vue de leur déportation. À deux semaines du premier tour, c'est le genre de « move cave » maladroit dont elle aurait pu se passer. Son père avait déclaré les mêmes choses en 87. Hashtag « on n'a pas fini de rigoler ». Ouais, non, c'est... Ouais, mais tu sais que ce genre de discours-là a marché aux États-Unis dernièrement, hein? Oui, oui. Ça me surprendrait pas. D'ailleurs, un dude a été retrouvé en train de faire du golf après avoir bombardé une partie de la Syrie, je crois. Ouais, c'est vrai. Il a été retrouvé par les médias. J'ai le doigt. C'est ça, j'ai le doigt. Pas facile, c'est pas facile. T'as merci, Simon Cuissonnet. Oui. Ben oui, ben oui. Êtes-vous politisé, Raton Lover? Pas en tant que band. Non, on prend pas position politiquement. Pas pour ça, là. Pas dans. Bon. Une autre fois, peut-être. Ouais, peut-être. Go Parti Vert. Ok. Allez, on est prêt pour le prochain. Que va-t-il se passer? Bonsoir. Salut Arnaud, t'es venu nous occulter? Oui, je viens vous occulter, encore une fois, parce qu'il y a tellement de contenu sur ce site-là que je veux plus jamais arrêter de lire. Donc, j'étais dans la section OVNI, UFO extraterrestre cette fois-ci. Donc, on commence avec un témoignage de Océane 23, prénom Martine, de la ville de Québec, pays Canada. L'histoire. Hier soir, j'étais en voiture sur le boulevard Laurentien, en direction du centre-ville de Québec. Il était 18h30 environ, et j'ai aperçu une boule très lumineuse en biais vers la droite, jaune-orangé, et à une très basse altitude, et elle allait très vite. C'est impossible qu'un avion ou un hélicoptère plane aussi bas et aussi longtemps. J'ai eu l'impression qu'elle m'a suivi durant un bon 15 minutes. Quand je me suis arrêté, mon cellulaire allumait et se fermait tout seul. J'étais incapable de m'en servir. Ensuite, je ne l'ai pas revu. La lumière était très lumineuse et changeait du jaune au orange. C'était génial de voir ça. J'espère que d'autres l'ont vu. Donc, j'ai répondu à cette chère Martine. Chère Martine, tu es une crise de dangereuse. Peut-être si tu roulais moins vite, les feux de circulation que tu brûles auraient peut-être l'air moins l'air de bouger vite jaune-orange. J'ai pas eu de réponse. Ensuite, on a Douard, de pseudo-prénom Guy. Il vient de Nouvion en Thiérache, en France. Donc, son histoire. Hier matin, vers 7h30, je me trouvais sur la route de Monceau, le 9, lorsque j'ai aperçu une boule orange de la grosseur de la lune. Ce ne pouvait pas être celle-ci. Elle était trop bas et par rapport à l'horizon. Très mal écrit. J'ai emprunté un petit chemin pour me rendre sur mon chantier, en parenthèse forêt, situé à peu près 1 km. De la voyait la chose à moitié et au bout des 10 secondes, c'est descendu vers l'horizon et je n'ai plus rien vu. Ma réponse... Google Translate, ça? Ouais, c'est... Donc, cher Guy, c'est beau un coucher de soleil, hein? Allez, t'as scoré. J'aime ça quand t'es pas vulgaire. Ouais. J'ai pas eu de réponse de Guy. Ben, je pense pas. Je pense que... Donc, on continue avec SP1234, prénom Sarah, ville Québec. Encore... Canada. Donc, son histoire. Hier, je suis sorti le soir pour prendre un peu d'air et j'ai aperçu dans le ciel une lumière jaune et commença à la fixer. Au début, je croyais que c'était seulement une étoile puisqu'elle ne bougeait pas pendant un bon 2-3 minutes. Mais après, elle s'éleva dans le ciel tranquillement et disparut dans les nuages. J'ai pensé que ce devait être un avion ou un hélicoptère, mais non, puisque la lumière était jaune et ne clignotait pas. Et c'est resté sur place un bon moment avant de quitter dans le ciel. Puis après, je me suis dit que c'était un ballon ou quelque chose comme ça, mais à cette heure-là! Et encore, il bougeait pas du tout au début. Alors, qu'est-ce que ça pouvait bien être? Ma sœur en était également témoin. Donc, ma réponse... Cher Sarah, y a-tu une heure pour avoir des ballons dehors à cette heure, espèce de fun crusher? J'ai pas eu de réponse non plus. Une petite dernière, et là, ça, attention. Donc, on a Alex Dan de la ville de QU.Ébec, du Canada, bien sûr. Donc, son histoire. L'été dernier, une semaine à tous les soirs, il y a eu des ovnis au-dessus de Québec. J'ai décidé de filmer. C'est difficile à croire, mais ma copine et moi, on a vu des hommes oiseaux sortir d'un vaisseau. On a très bien vu, c'était des oiseaux géants. Des créatures mi-oiseaux, mi-hommes. Devait être 4 heures du matin. Par la suite, voyant qu'ils s'étaient fait voir, ils nous ont fait subir une série d'événements troublants. Si la suite vous intéresse... Et si vous nous croyez, manifestez-vous. Je vous raconterai la suite. Merci à tous, Alex Dan de la belle ville de Québec. Donc là, j'ai envoyé un email tout de suite à Alex. Vous pouvez aussi lui en envoyer un. C'est asparanormal@hotmail.com. Et donc, salut Alex. Je viens de passer sur le site occulte.net sur témoins ovnis. Et j'ai lu ton témoignage. Donc je suis curieux. Tu as un lien YouTube pour ton vidéo que tu as filmé? Que s'est-il passé après ça? Bisous, Arnaud. Et j'ai eu une réponse! On a une réponse! Le monde de Québec, hein? C'est incroyable. Donc, sa réponse, address not found. Your message wasn't delivered to us paranormal at hotmail.com because the address couldn't be found. Check for typos. En anglais, hein? Ouais. Si quelqu'un peut me le traduire, je comprends pas. Ouais, ça va bien aller. Merci, Arnaud. Merci. Arnaud Dert, mesdames, messieurs. C'est merveilleux tout ça. Quand même, sur 4 expériences qu'on a eues là, il y en avait 2 qui venaient de Québec. Non, il y en avait 3. Oh, ils venaient tous de Québec. Ben, en fait, 2 de Québec, puis une de QU.Ébec. Ouais, point Ébec. Je pense que c'est à côté. Avez-vous déjà vu ça, un ovni, vous autres? Moi, tous les jours. Tout le temps. Moi, chaque fois que je me lève, les hommes oiseaux, là, c'est ceux-là que je vois le plus souvent. Puis, si tu veux en savoir plus... je te donnerai mon email tantôt. parce que j'ai vraiment de quoi pour toi là, mais je peux pas t'en parler. Tu peux pas m'en parler là, je comprends, c'est sûr qu'on est enregistré et tout. Toi, Martin? Ah ben, moi c'était quand j'avais peut-être 17-18 ans, j'étais avec des chumés dans le bois là, autour d'un feu là. On avait fait bien de la dope là. Puis à un moment donné, il est arrivé, non, c'est pas vrai. Ben jusque là, c'était tout crédible. Ben merci. Si tu racontes ça à du monde là. Ben, oui, c'est sûr. C'était une boule orange. Oui, exactement. Ah, putain. La boule orange. Le punch du coucher de soleil, ça drôle. Allez, je pense qu'on est prêt pour le prochain. Bonjour, je suis un serpent et je rentre dans la forêt. Bonjour, ici le campeur farceur et je me fais des guimauves. J'espère qu'aucun danger ne me guette. Oh, j'ai un petit creux, moi. Voici une victime idéale pour moi, car je suis un serpent venimeux. Miam, miam, miam, miam. Oh non, miam. Je me fais attaquer par un serpent venimeux. Miam. Moi, le campeur farceur, moi. Non. Les gars, c'est pas censé être de même que ça se passe. Au secours, Jacques, je suis aux prises avec un serpent venimeux. Hey, laisse faire le rôle, Simon. Le Mathieu était censé se tourner de l'autre bord pour faire face au public. Face au public, Mathieu! Je suis un serpent venimeux, j'en ai aucune notion de théâtre. Hey, décroche, Mathieu. Ça fait un an qu'on pratique ce numéro-là, puis vous chiez ça sur la scène de même. Vraiment, là, gros manque de professionnalisme de votre part. Bravo! Parlant de manque de professionnalisme, toi, tu trouves ça correct de venir interrompre le numéro de tes deux meilleurs amis? Hey, toi là! Moi là, c'était pour sauver votre réputation que j'ai fait ça, les gars! Ah ouais, mais on a l'air fin. Le monde s'était même pas rendu compte que c'était tout croche. À cause de toi, on a l'air de trois trisomiques qui font du patin à glace. Wow! Hey, tu prends vraiment le public pour des câbles. D'ailleurs, je tiens à m'en excuser. Il va y avoir de graves sanctions. En tout cas, moi je suis certain que Gaston Lepage l'aurait aimé notre sketch. Il aimait toute la merde qui passait à Dieu merci. Ok, garde, c'est correct là, David, t'as raison, c'est fucké, c'est pas grave. On va retravailler le numéro, puis la prochaine fois ça va être meilleur. Tu sais, Rome, c'est pas qu'on se rende une journée non plus. Ben ouais, mais Rome, il y avait une armée pis des centaines de citoyens. Nous autres, on est trois, c'ti. Ok, tu l'aimes pas notre sketch? Non. C'est correct, d'abord, je vais chanter Bioman de Bernard Minet pendant 5 minutes. Voyons donc, Simon, Bernard Minet. Il y avait juste tout pour triper sur des artistes que personne connaît le nom. Bernard Minet, je change 2-3 lettres, ça fait Bernard Minable. Hey, oh. Wow, minute, là! C'est pas vrai que je vais te laisser insulter Bernard Minet publiquement devant le public, là! Wow! Ben justement, c'est le fun de penser à notre public, là. On pourrait faire quoi pour eux, là? On pourrait faire le sketch de l'homme inhumain. Hein? Voyons donc, Mathieu, ça intéresse personne, ça, l'homme inhumain. Ben, ça pourrait peut-être intéresser les hommes ou les humains. Come on, les gars, ça me tente pas qu'on soit pionnier dans quelque chose pour une fois. Ben, tu voulais être pionnier? Pourquoi qu'on l'a jamais fait? Mon idée de gars qui jouait du drum dans le vide avait fait des faces comiques, genre... C'était crissement drôle l'autre soir. C'était crissement drôle, on écoutait un VHS de Michel Courtemanche. Puis on était sous. Ben ouais, mais ça a toujours été quand on était sous qu'on a eu les meilleures idées. Ou quand on est gelé. Ou quand qu'on dormait. Ouais, finalement, c'était juste quand on était conscient qu'on avait pas les bonnes idées, hein. Comme l'idée de se partir un groupe d'humour qui s'appelle Les Pile-Poils. Ouais, mais ça, au moins, c'est drôle. C'est parce que comme un jeu de mots, quand je te dis « Hey, Mathieu, tu peux-tu me prêter Les Pile-Poils? » Ah, et voilà, Simon. Voyons donc. Je vois bien par les applaudissements confus que le monde comprenne rien, là. On a l'air d'une gang de fuckés. Ouais, mais on n'est pas autant fuckés que Osborne, hein? Hey, lui, il est fucké rare! Hey, sacrement, c'est incroyable! Hey, pis sa blonde, là, charogne Osborne! Vieille dégueulasse! Mais sérieusement, les gars, l'important, c'est qu'on ait du fun ensemble. Le public, on s'en fout complètement. Quoi? Voyons, Mathieu, t'as-tu déjà vu ça, toi, un spectacle d'humour, pas de public? Chris, oui, la dernière fois, j'étais allé voir Dominique et Martin en spectacle. C'était tellement mauvais, là. Mais sérieusement, les gars, arrangez-vous avec votre troupe, c'est pas mon problème. Voyons. Bye! Bon, ben, bon débarras. Ouais, le serpent est parti, il y a plus de venin, on est en paix. Mais là, ça me fait penser, Simon, tu sais, ma barre de Chocomax que t'as mangée il y a 6 ans. Mais on sait où tu t'en vas avec ça. Ben, je te l'ai jamais pardonné. Décroche, hostie, ça fait 6 ans, pis depuis ce temps-là, je t'achète une nouvelle boîte à Twistman pour essayer de me faire pardonner. T'as jamais acheté la bonne sorte? Quoi? Tu veux jouer à ce petit jeu-là? Tu veux qu'on lave notre linge sale en public? Parfait, asti! Tu sais, là, la fois qu'on jouait, là, la fois que tu m'as embarqué dans une vente pyramidale pis que t'as vendu mon rein au pawn shop, c'était très gentil de ta part, tu sauras. Crime, c'était pour le 1er avril, Simon, pis je t'allais redonner le cash pour le rein. Ben ouais, c'est ça. Pis la fois qu'on jouait à cachette barbecue pis que t'as couché avec mon ex, c'était très gentleman de ta part, tu sauras. Ben, Crime, ça me fait plaisir, j'y ai même demandé le consentement. Quoi? Hey, c'est le fun en hostie, ça, les pile-poils, c'est rendu ben, ben fraternel. Deux frères de sang, deux frères de graines. Ça finit de même. C'est ça. On remercie les pile-poils. Allez vous asseoir. C'est apprécié, hein? Allez-vous faire une routine de même à un moment donné? Et aller plus loin que la musique? Comme Peter Gabriel qui faisait des poèmes. Qui ouais, se rasait le toupette, là. Moi, c'est juste, j'attends d'avoir l'âge réglementaire pour avoir un micro-casque. Ah! Ça, c'est... Ça, c'est l'âge réglementaire. Ouais. Ça. Je sais pas c'est quoi l'âge réglementaire encore. J'ai pas checké dans les lois de ça va s'en bien, la musique. Ça va te sauter dessus à un moment donné, c'est sûr. Ça doit être le même âge que quand t'es dans les vestiaires, là, à la piscine, ben, au gym, là, que t'arrives à te changer, puis il y a comme un vieux monsieur, là, pas de serviette. Là. Je joue sur le banc. Là, ça t'es-tu en train de m'obliger de la raconter, celle-là? Là? Pas obligé de je pense que tout le monde la veut. Je pense que ça va aller. J'ai décidé de m'inscrire au gym. Okay. Puis, à Québec, en plus, à Charlebourg. OK. Ça, là, pour ceux qui savent c'est quoi Charlebourg, là, c'est le mec plus ultra de Québec. Là. C'est là que ça se passe le plus. C'est les hommes oiseaux, là, ils viennent tous de là. C'est justement proche de l'autoroute Laurentienne. Ouais, Laurentienne, je passe par là, moi, tous les jours. Là. Puis j'envoie des boules oranges, puis tout. Mais là, c'était pas des boules oranges que j'ai vues cette fois-là. C'était d'autres sortes de boules. C'était j'avais fait un cours de Power Flow. Puis, à part les 50 femmes qui étaient là, il y avait aussi un autre homme du nom de Camille. Qui s'était mis vraiment proche de la fille qui faisait les exercices, parce que je me disais, il est clairement là pour la mater. Fait que je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Mais c'est pas grave, j'ai fait le cours de Power Flow. Finalement, c'est après quoi, le cours ça, c'est de. C'est comme du Tai Chi avec un autre nom pour c'est que un genre de yoga okay. Plus physique. OK. M'attends. OK. Puis là, après, je me retrouve avec Camille dans le sauna. Puis Camille, lui, il a sa veste d'Adam, il a son. Pas barré. Son costume d'Adam, puis il est pas barré pantoute, puis tu sais, il est jambes grandes ouvertes, là, puis il me check. Moi, je suis là, hey man, je regarde en avant, ça va bien, ça va bien. Là, il me regarde, il dit, et je te dis que celle qui donne le cours, là. Là, je suis là, oh my god, je suis vraiment en train de vivre ça. Ouais, je pense que oui, t'es en train de vivre ça. Puis, je pense que je pensais pas que ça pouvait aller plus bas. Jusqu'au moment où il s'est regardé à la graine, puis il m'a dit hey, moi, c'est pas 20 ans. C'est pas un an, je me suis pas mis. On jase. Ouais, on jase. On jase. Tout, t'as rien répondu. J'ai dit ah, écoute. On parlait pas assez de ton pénis, c'est vrai. C'est ça. Ça me. Ouais, à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais été gêné d'aller au gym. T'as vu Camille. Camille, là, il m'a dégêné, man. Ce gars-là, c'est un professeur spirituel de dégênement. De dégênement de gym. Intense. Ouais, c'est ça. Ça passe sous sa cape. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas encore marché pour 70%, là. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Tu as besoin de voir des couilles ou ça? C'est plus salé. Merci beaucoup. Tu vas pas nous les montrer? Non, ben peut-être. On verra. En plus, c'est pratique ça parce que j'ai un zip qui monte. Oh! Musique romantique. C'est vraiment pratique. T'sais. D'habitude, ton zip, tu le baisses pour dézipper. Mais là, lui, je le monte pour dézipper. Capoté. Sur ces phrases incroyablement pertinentes, je pense qu'on est prêt pour le prochain chroniqueur, s'il vous plaît. Bonsoir, ça va bien? Oui, vous autres, ça va bien? Surprise! Je suis l'invité. Juste pour mettre en contexte, eux autres n'étaient pas au courant que je venais asseoir pour faire une petite chronique. Alors, me voilà en train de faire une chronique. Certains d'entre vous me connaissent. Je suis le gars qui était là 5 minutes, dans le fond. Oui, pis, je me rappelle. Ben c'est ça, mais par exemple, là là, plot twist, par applaudissement, qui pourrait dire mon nom, sauf mes colocs là? Mon ami Facebook. Ben, tu sais, moi c'est pas pire, j'avais planifié un ou deux clapements, il y en avait au moins le double, fait que je me sens rassuré. Donc pour ceux qui me connaissent pas, David W. Morin, j'étais avec les hosties de cave en arrière, puis on fait des chroniques humoristiques sur le web, on commence à faire de la scène, puis... C'est ça, je me suis dit que j'allais commencer à me présenter un petit peu, faire mon petit parcours personnel. Donc, je suis un petit gars de Quaticook, hein, Quaticook, la belle ville de la crème glacée. Tout le monde connaît ça, puis on le sait que c'est la meilleure, on n'a pas besoin d'éterniser sur le sujet, je pense. C'est la meilleure, exactement. J'ai commencé à faire des petites vidéos short and sweet avec un bon ami au secondaire, c'était de piètre qualité. Toutes les vidéos sont en privé sur YouTube, personne d'autre à part moi peut les voir et je vous garantis que je ne vais jamais voir ces vidéos-là. Malheureusement, peut-être un jour là, dans 30-40 ans ben, avec ben de la bière. Ou laisse ça quelque part, là, si jamais tu meurs, ça... Faudrait pas ben, les perdre, ça va devenir des trésors cachés du web. Donc là, peut-être qu'on va avoir du monde tellement craquant à vouloir voir mes vieilles affaires qui vont fouiller puis ça va ressortir. Mais ouais, donc pour continuer, après le secondaire, je suis allé étudier en arts et lettres au cégep de Jonquière. Là, c'est un peu fucké. Le gars de Quaticook qui s'en va étudier en arts et lettres à Jonquière. C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est parce que j'avais un gros plan en tête. Pis le plan, c'est parce que il y avait un programme à Jonquière qui s'appelle Arts et technologie des médias, ATM, pour ceux qui connaissent un petit peu. Production télévisuelle, de cinéma, toutes ces affaires-là. Puis moi, je voulais énormément aller dans ce programme-là, mais c'est contingenté, puis j'avais plus ou moins les notes au secondaire. Mais j'avais entendu dire, puis ça, je ne l'ai jamais su si c'était vrai. Si vous avez déjà entendu ça, vous pourriez me confirmer ça. On m'a dit, si tu es déjà dans le cégep où il y a le programme contingenté, que c'est plus facile d'accéder après ça, d'être accepté dans le programme. Je sais pas s'il y en a qui peuvent confirmer si c'est vrai ou pas. Là. J'ai entendu la même affaire que toi. Bon, ben, il y a une personne dans la salle qui confirme mon affaire. Voilà. Je pense que c'est assez certain. Alors, ça a marché, mais ça a quand même marché. Fait que au bout d'un an, après mon année d'art et lettres que j'ai perdu, avec mon coloc Simon Portelance, qui lui aussi... était en Aurélette, puis il venait de Gaspésie. Regarde, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec nous autres. On s'est rencontrés à Jonquière avec deux endroits complètement random. On a été accepté un an plus tard en ATM, avec la différence près que lui, il avait annoncé à ses parents qu'il était en Aurélette la première année, puis qu'il allait ensuite aller en ATM. Alors que moi, j'avais dit à mes parents tout de suite que j'étais accepté en ATM, parce que je me suis dit, ils vont jamais m'accepter. Ils vont jamais décider de me laisser aller à Jonquière pour mon programme d'Aurélette. Si ça se donne à 30 minutes de chez nous. Fait que tout ça pour dire que deux ans plus tard, j'ai toujours rien dit à mes parents, ils pensent que je suis en arts et lettres. Là, je suis rendu à la troisième année, théoriquement, du programme. Mais là, je suis en deuxième année dans le vrai programme. Là, ça fait que je suis censé avoir un diplôme dans quelques mois d'études collégiales. Puis je suis en deuxième année. Fait que là, vous commencez à savoir où c'est, ça s'enligne, là. Fait que, veux pas, il y a eu un moment où c'est que j'ai pas eu le choix d'annoncer à mes parents que, ben, je l'aurais pas cette année parce que je vous ai menti pendant 3 ans de temps, puis j'ai menti à toute la famille, là, à Noël, au jour de l'an. Ouais, je fais des cours, j'ai étudié ça avec tel professeur, ça a été bien le fun. 3 belles années de mensonges, c'était excellent. J'ai porté ça, c'était aucunement un fardeau, là, j'ai eu bien du fun. Et puis là, ben ensuite, je suis arrivé à Montréal, on a commencé à habiter dans notre fabuleux 10,5 à Jonquière, à Montréal, parce qu'on fast-forward un petit peu. Pour en venir à pourquoi j'ai voulu faire ça tout seul, la soir, mon intervention, c'est parce que ces deux petits gars-là, dans le fond, ils m'ont fait de quoi que je leur pardonnerai jamais. Ça a commencé, là, un petit moment, avec Simon Portelance qui s'est mis à chanter le groupe français Les Musclés. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, là. Avec son Bernard Minet, justement, il l'a plugué tantôt, là. Ouais, il y a un problème avec ça. Ouais, il y a un très gros problème avec ça. Moi, ça joue très bien. Ça joue très bien ou deux fois. Mais lui, c'est sur repeat depuis des mois dans mon appartement. J'étais en train de virer fou. Je m'en vais à job. J'avais un examen pour ma job. Là. Écoutez, un examen à job, ça se fait des fois. Puis j'avais du Bernard Minet dans la tête. C'était incroyable. J'étais certain que j'allais pocher mon examen. Finalement, je l'ai eu. Est-ce qu'on a une main d'applaudissement? J'ai eu mon examen. Yes! Hey, je me sens apprécié à ma juste valeur. Donc, ouais, c'est ça. Des questions sur les merguez parties et des affaires comme ça. Que, ben, ça avait pas le choix, sinon je l'aurais poché l'examen, là, c'est sûr. Fait qu'au début, c'était juste Simon, tu sais, c'était pas si pire. J'ai fini par y dire. Fait chaud. J'ai fini par y dire que ça me gossait parce que j'étais un gars honnête si on oublie le mensonge de 3 ans que j'ai dit à mes parents. À ceux qui t'aiment le plus. Accepté une fois au chalet. Ouais, ben c'est ça. Une fois au chalet sur 3 ans, mettons. Pis, c'est ça, j'ai commencé à le dire à Simon, pis là, comme par hasard, on a Simon Payton, qui est le chanteur de Skieur Fluo, qui lui aussi a commencé à triper sur les musclés. Pis là, non seulement il tripait, mais lui, il faisait des covers de ça. Pis il envoyait ça à Simon, pis là, je capotais, j'étais genre, si, il y a pas un, mais il y a deux Simon qui se mettent à triper ses musclés, ça va. Fait que je me dis, c'est une passe, ça va finir par arrêter. Ben, Chris, non. À un moment donné, je rentre de la job. Qu'est-ce que je vois dans mon salon? Une gang de gars avec leurs instruments de musique, puis c'était en train de jouer du musclé. Là, moi, ça va plus bien. Je suis drainé, je suis épuisé. Les meetings des pile-poils, ça marche plus. Les gars, à un moment donné, sont tannés de moi. Parce que le numéro qu'on a fait là, sur scène, ben, moi, j'avais buildé ce petit bout-là. Après, mettons que je passe avant la scène qu'on a faite, là, mais c'est pas grave, je vais le dire pareil. Hey, ben ouais, spoiler alert, mettons, là. Les gars faisaient leur numéro à deux, puis moi, j'arrivais pour dire que ça avait chié toute la patente, parce que les gars, à un moment donné, je les coachais, je faisais leur mise en scène, puis ils étaient tellement écœurés que je chiale qu'ils ont décidé de juste m'enfermer. Ils m'ont enfermé pendant des mois de temps dans ma chambre. J'ai jamais pu arriver ici. C'est pas parce que j'aime pas ça ici, c'est parce que j'aime ça. Je ris, je rencontre du nouveau monde, je vois des vieilles faces, que ben des vieilles nouvelles faces des fois... Des vieilles nouvelles faces des fois, t'sais, c'est un bel endroit. Puis la raison pour laquelle que j'ai jamais vraiment pu venir, c'est là-bas dans le fond. Là. Vous les voyez peut-être pas là. Ils sont cachés dans le fond parce qu'ils ont honte d'eux autres. Là. Ils te laissaient pas sortir. Ils me laissaient pas sortir. David, je suis content que tu sois venu nous parler de ça. Ben ça me fait plaisir. Puis là, ben l'information est sortie. Je pense qu'ils vont te laisser sortir. J'avais besoin de vider mon sac. C'est ça, va t'asseoir. Merci. Hey, un témoignage touchant quand même. Le truc qu'il sait pas, c'est que ces histoires de musclés, c'est ma faute. Donc, au lieu de chier sur ses colocs, il ferait mieux de me chier dessus au final. Mais toi, il t'endure pas souvent, mettons. Non, mais en fait, le truc, c'est que avec les Portolans Brothers, on est voisins en fait. Et puis, je suis le bassiste des Costauds, le band de cover des musclés. Trois Simons. Donc, donc ça fait au final, ça fait trois Simons, tu sais. C'est vrai. T'as qu'à te monter un band de cover d'Éric Lapointe, gros malin. Non, faites pas ça. On se retrouve dans un an, on fait un battle de bands. Il y a du monde bien moins intelligent que toi qui vont s'en occuper de ça, du band de cover d'Éric Lapointe. Merci pour tout ça. Un band de cover, ce serait qui que vous coveriserait? Ah, puis je me suis rappelé la question que je voulais te poser tantôt. T'as parlé d'influence musicale connexe avec Danny Placard. Développe. Ben, à base, il y a Wilco, le band qu'on est allé voir, oui. Metropolis. Sinon, les Daws, D-A-W-E-S, un band qu'on aime beaucoup aussi. Ben, évidemment, les The classiques, band. Là, The Band. OK. Oui, Woohoo, yes, il y a eu un Woohoo. Les Allman Brothers. OK. Les Saddies. Les Saddies. C'est bon, ça? Ah, toutes des villes bon. Que je n'ai jamais visitées. Ben, c'est du folk de Toronto, un petit peu. Fait qu'on va aller écouter ça, on va écouter ben ça. Ouais, ben oui, je vous le conseille. En venant dans nos contrées lointaines. Est-ce que ce vous soir. Connaissez Yanni? Non. Ah, Seigneur. Yanni, il joue du clavier, il a une moustache et une chevelure de laquelle tu ne peux que rêver. Et Yanni, il a déjà dit en entrevue qu'il n'écoutait aucune autre musique que la sienne. Et c'est un musicien, t'sais. Et ça, je pense que c'est une des choses les plus prétentieuses que j'ai jamais lues. Moi, j'ai toujours rêvé de voir un duo là, de Yanni avec Zamfir, ah. Le joueur de flûte. Là. Ah. Ah, je te jure, tu peux faire fondre des fondations avec ça. Ah. Marmac, ça va être capable. OK, l'indicatif. OK, 70% des Sprats aiment l'émission 70%. Hey, vous écoutez douteux.org, nous sommes les Dirty Habits, stick around. Hey, on passe au prochain! Calme-toi, calme-toi. Ouais, on dort, c'est quoi ça? J'arrive dans les musiciens, t'aimes ça les musiciens? J'adore ça les musiciens. Les gars, je compatis. Yes. Ouais, moi, ben lui aussi, c'est un musicien, mais je serre pas la main. Oh, excuse-moi, j'ai pété quelque chose qui t'a. Tu viens jouer de la musique? Ouais. Je compatissais d'avance. Hein. Ouais, c'est ça. Écoute, je passerai pas par quatre chemins. Hein? Je couperai pas ce cheveu-là en deux. Puis j'ai fini de tourner autour de ce pot-là. Allez chier. C'est fait. Sinon, sujet principal, j'ai pris une vieille chronique du 17 juin 2013. Hey, tout était différent dans ce temps-là. Ben oui, Apple Bone venait de se faire arrêter. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Ouais, c'était l'année Corey Hart. Oui, c'était l'année Corey Hart, une belle année. Fait que je peux te la faire. Hein? C'est. Hey, en passant, j'ai vu Vincent Bolduc après-midi. Oh! Avec un long dos double sur Saint-Hubert. Je savais même pas qu'il était enceinte. cette semaine, j'ai fouillé pour une job. J'étais curé de tuer. Puis, fait que j'ai épluché les petites annonces, les pancartes d'un vitrine, les annonces et babillards. Laisse-moi te dire, ça n'a pas été long que je me suis fait confisquer mon épluche patate. Hein. Dégradation du bien public, assaut envers un agent de la paix, entrave au travail des policiers. Si tout va bien, je devrais me récolter un petit outrage au tribunal en fin de semaine. C'est parti. Sinon, à part 7-8 policiers puis un juge, j'ai pas bien ben agressé de monde cette semaine. J'étais trop occupé par ma recherche d'emploi, tu sais. Hey, il y a 40 heures que j'ai passé sur ce job-là, je l'ai pas encore capoté, par exemple. C'est vrai. 40 heures, pensez-y. J'ai négligé mon fils. Mon fils dit, papa, tu me négliges. Puis, ben, en même temps, je te pose la question, là, ça va-tu vraiment y apprendre de quoi un bleu sur un bleu? Mon père, il disait, moins coup, plus précis. En même temps, je suis pas ici pour parler d'éducation, clairement. Je le sais, tu te cherches une job. C'est comme si je te regarde, toi. Clairement, tu te cherches une job. Fait que commence par t'habiller comme tu veux. Juste, non, mais un petit conseil. Habille-toi propre. Habille-toi propre, hein. Comme ça. Les gens, ils aiment pas ça quand tu portes un vieux t-shirt ou ce que tu peux distinguer de la sauce barbecue et du sperme. Ils trouvent que t'as pas l'air professionnel. Mais comme ça. Puis, sois pas en retard. Parce que si t'es en retard, ben, t'as l'air d'un retardataire. Hein. Pis si t'es en retard, ben invente un bon mensonge. Mon chien a mangé mon imprimante, ce n'est pas créatif. C'est vrai. Pis apporte ton CV. Ça, c'est la moindre des choses, faut que t'apportes ton CV. J'ai perdu mon CV dans un bar sur Saint-Denis, c'est pas ben responsable. Hein? En tout cas, bref, le mélange dormir dans une ruelle, linge crotté, puis sentir le swing de vieux pénis, ça déconcentre l'intervieweur, hein, puis ça risque, puis lui, ben, il risque de moins voir le dynamisme et le côté proactif qui font de toi un employé professionnel, créatif, responsable et ponctuel. Dans le fond, ce que j'essaie de te dire, c'est passe pas 72 heures à te saouler puis faire de la dope avant ton entrevue. Moi ça m'a jamais donné une job. Ça a jamais marché. Ben, en fait, oui, ça a marché une fois. Je suis devenu figurant dans une prison. Figurant de prison. Ouais. C'est ça longtemps. Ben là, attention, je dis, ça a l'air d'être le fun faire de la prison, tu sais. T'apprends les trucs du métier, puis tu vois tes vieux chums, tu sais. Mais, tu sais, parce qu'en prison, tu fais entre 5 et 25, puis c'est 90 par jour, hein. Tu sais, clairement, t'élèves pas un enfant avec ça. Ça, c'est, tu sais, comme. Comment je dirais ça? Comme, la prison, c'est plus comme une expérience de vie. Ou comme certaines autres personnes, comme moi, mettons, moi, c'est plus un mode de vie. Je serais pas un passe-temps. Je sais pas comment l'expliquer. Un hobby, ouais. Un hobby, voilà, un hobby. Mon père, il disait une job, c'est comme une femme. Hein. Faut que tu sois à l'aise dedans. J'ai essayé mille et un métiers. Moi, non, mais tu sais, des fois, tu peux écrire une joke, c'est pas pour toi, mais tu t'en fais pareil. Oui, c'est sacrifié. C'est ça, c'est ouais, ça. Ouais. Moi, je leur ai donné un douchebag, je sais pas. En tout cas, moi, ce que j'aime, c'est péter des affaires, c'est détruire en général. Fait qu'il y a peut-être quelque chose pour moi dans la démolition. Je sais pas, peut-être. Puis en terminant, ben, mon père, il disait, trouver une job, c'est ce qui nous différencie des animaux. Il y a un poton. Merci, Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Quand même, hein, des expériences de vie, vraies. C'est quoi ta première job, toi, Martin? Tabarnouche, c'était camelot. Mais le pire, c'est que j'aime tellement ça dormir que je l'ai pas gardé longtemps. Ah, bon. Toi, Simon? Camelot aussi, c'est plate. C'est, man, peut-être qu'il y a un... Pensez-vous à la même affaire à Québec? Ouais, ben à Québec, il y a pas grand-chose d'autre à faire. Ouais, bon, OK. C'est réglé. Bon, comment ça se passe, votre 70%? Ben, c'est parfait, ouais. Je me sens un peu comme à 110%. Valérie, on prendrait chacun une autre bière, je pense. S'il te plaît. La fadure, c'est correct. Dites au tech qu'on passe au prochain chroniqueur. On passe au prochain chroniqueur. Flash Vaxel! Ouais. Tu viens-tu de ça? Y a-tu des fans de Flash Vaxel dans la place? Yeah! Flash Vaxel! Hey, c'est oh. Le. Le toi? Hey! Yes! Yes! Keep the dream alive! Ça, là, c'était l'émission numéro 1 au Québec de 89 à 90, mais pas juste au Québec, c'était partout sur la planète, même en Allemagne! Ouais, ils ont vendu ça partout. C'est l'émission numéro 1 au Québec de 89 à 90 et partout sur la planète pour les enfants. Inclusivement, j'espère. Inclusivement. Ouais, ok, c'est bon. Puis, moi, j'ai des tapes, hein, de ça. Flash Vaxel, j'ai des tapes, des annonces, tout. Non, non, mais ça, tu nous les amèneras, on va les ripper, là. On va avoir le digital de ça, là. T'es fou, toi. Mais non, non. Ben, niaise pas avec ça. Digitalisé. Et laisse faire ta technologie de Star Trek, là. Hein? Digitaliser un plan pour que tu me scrapes mes tapes. Qui soit plus utilisable après. Non, non. Si tu veux regarder des tapes de Flash Vaxel, tu t'en viens à Saint-Dona, chez Kevin pis sa mère, pis moi, je vais mettre mon mes tapes dans mon VHS, pis c'est moi qui contrôle la manette, ok, là? Non, non, moi, le monde, je veux avoir tes cassettes. Non, non, collez-moi à paix avec mes astuces cassettes de Flash Vaxel. Ben, ok? Ben, fait que là, moi, ça va bien. Mais parce que j'ai retrouvé mes cassettes de Flash Vaxel, mais ça va pas si bien parce que comme tu peux remarquer, j'ai pas mis mon corps du roi. C'est vrai, y a rien de brun. Fait que qu'est-ce que tu penses ça veut dire? Que les séries commencent. Mais non, je vais avoir la diarrhée. C'est ça le truc. Corps okay. Du roi, pas de diarrhée. Ah oui. Tout le monde sait ça, mon stérote. Bon. Là, moi, je suis venu vous parler, tu sais, là, deux chroniques, je suis venu vous parler de mon héros numéro 2, qui est Goldorak, après le gars de Kool-Aid, le monsieur Kool-Aid. Là, je suis venu vous parler de mon zéro numéro 1. Par zéro, je veux dire celui que je déteste. Capitaine Flamme. Mange une marde. Check les, je l'ai mis en position de suicide parce que c'est tout ce qu'il mérite. Capitaine Flamme. Il est vraiment en position de suicide. Ben ouais, puis regarde, en comparatif, j'ai amené Albator. Lui, il est bien plus cool. Albator. Tiens, Albator. Woup, woup. Hein? Prends une photo, Élise. Bon. OK. Fait que Capitaine Flamme, là, moi, là, il y a bien des raisons pour que je l'aime pas, puis je vais tout vous énumérer ça aujourd'hui. Capitaine Flamme, là, c'est un esti de scab. OK? C'est un voleur de job. C'est un faux cul, c'est un mangeur de marde. Parce que dans le temps, là, Goldorak, là, il était super populaire, hein? Puis Albator aussi était super populaire. Je veux dire, tu compares Capitaine Flamme à Goldorak, c'est un méchant mangeur de marde. Tu le compares à Albator. Chris, va chier pour emprunter une phrase à Mathieu. Voyons donc. Puis lui, là, monsieur, Capitaine Flamme, là, il s'appelle originalement Capitaine Futur. Oui, mais je suis le futur. Chris de ce début lui-même. C'est comme si on aurait Neil Breen en dessin animé. Capitaine Futur. Capitaine Futur, c'est son vrai nom. Mais là, c'est quand même lui qui s'occupe de gérer la galaxie, là. Mon cul, oui. Ben c'est sûr qu'il y a la des. La galaxie rapés, de mon cul. Dans la chanson, ils disent qu'il vient pas. Il vient pas d'ici. Tu n'es pas d'ici, tu n'es une autre voie lactée. Retourne chez vous, calice. Tu manges une marque. Toi, Simon, de dans la ville de mon cul en France. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est de là qu'il vient. Mais lui, là, Capitaine Futur Flamme, là, il a l'air d'un esticable. Regarde-le. Il a un saut de beige, vert et blanc. Des petits gonnes blancs, avec des petits tuyaux qui vont jusqu'à sa petite ceinture blanche. puis un gros zéro sur le chest. Check, c'est vrai, il y a un gros zéro sur le chest. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est un mangeur de marge. Je sais pas si c'est pour ça. C'est une grosse, moi, je sais que c'est une grosse conspiration entre lui et les méchants d'Albator et Goldarak. Parce qu'il voulait comme faire. On oublie ces deux-là, puis là, c'est une grosse conspiration, Esti. Voyons donc. Moi, je le verrais dans le jeu. Je cracherais d'en face. Ils ont fait une campagne de salissage contre Goldarak et Albator. Ben, de détournement d'attention. C'est ça. C'est ça. Comme les nazis, genre. C'est ça. Ouais. Exactement. Juste à cause d'une petite crise de toune que tout le monde chantait en 81, tout le monde oubliait les deux autres. Pis check-les, là, capitaine futur, esti. Il y a des gros favoris, esti, jusqu'à dessus de la joue. Moi, à ma connaissance, là, Glenn Danzig, là, il y a des favoris. Elvis Presley, sur son île, il y a des favoris. Mathieu Potvin, notre technicien, là, il y a des favoris. Ben, ils vivent dans le présent, eux autres, pas dans le futur, calice. T'sais, des favoris dans le futur, voyons donc. Bon. Pis en plus, là, avez-vous déjà vu son esti de vaisseau de marde? Le Cyberlab. Hey, ça, c'est un nom colon. Cyberlab. Mais plus laid que le nom, là, c'est le vaisseau lui-même. C'était comme un esti de gros dildo avec une grosse tête, plein de petits pic-pics sur les côtés. Pis Chris, il y avait un gros urette au bout. C'était super laid. Pis pour en revenir à mes affaires de Flash Vaxel, là. Ouais, parce qu'il y a un lien, genre. Moi, ma mère, elle me l'a dit, hein. Moi, ma mère, en 86, elle m'a acheté un Nintendo. Puis plus tard, elle m'a acheté la cassette Commando. Puis quand mes amis venaient chez nous, là, ma mère, elle me disait, hein, là, tu laisses pas tes amis jouer avec la cassette de Commando, hein. Elle est flambant neuve, ils vont te la briser. Puis pour les mêmes raisons, là, tu toucheras pas à mes tapes, toi. C'est... Bon ben, il y a une mine de Flash Maricel qui va dormir à quelque part pour toujours. Ça vous dit rien, cette émission-là? Non, hein. Bon. On peut arrêter d'en parler. Hein. J'avais peut-être presque un an quand ça a sorti. Mettons. Ah ouais, mettons. J'avoue, hein, 89-90. Moi, j'ai 39 ans. Toi, t'as? 28. Ah, ça va vite, hein. 28. Il y en a 20. OK, ouais, je pense qu'on peut passer au prochain. Un bloc de nouvelles sous le signe de la nourriture. Pas de pizza pour les pauvres aux États-Unis. Il n'y avait rien à faire pour la police de San Francisco en cette belle journée du 3 avril. Un homme qui avait acheté une pizza pour l'anniversaire de sa partenaire a reçu un ticket pour avoir mangé de la pizza sous un abribus. C'est un beau gaspillage des services de police, dénonce Kelly Cutler, une des organisatrices de la coalition contre... Par contre, les sans-abri, j'ai pas pu traduire ça. Donc, en fait, le mec était sans-abri. Cutler indique que l'homme a été vu le 5 mars déguster une pizza dans un abribus. Selon la loi, il est en effet interdit de manger dans les transports en commun, mais ce règlement est rarement appliqué. Elle ne se rappelle pas non plus l'avoir vu appliqué sous un abribus. Le motif indiqué sur le ticket est « manger de la pizza sous l'abribus ». Cutler indique que le sans-abri était plus amusé qu'offensé par le ticket. D'habitude, les gens sont en colère, mais il l'a joué bon perdant. Il en a ri et n'a pas arrêté d'indiquer qu'il a acheté la pizza pour son ami. L'homme a été convoqué en cour mercredi dernier, mais selon Cutler, il semblerait que cette convocation soit annulée, si l'homme peut démontrer qu'il est en démarche de relogement. Ce dernier est coupable de manger ou de boire proche d'un système de transport en commun et risque une amende de $250. C'est un sans-abri. Ouais, bah ouais. Selon les autorités, le réel problème n'est pas de manger une pizza sous un abribus, mais bien le problème de niveau de qualité de vie dans les rues de San Francisco. L'ennui professionnel aurait été en cause dans cette affaire. J'aime le petit éditorial de la fin, c'est le fun. On parle de flic, donc on parle de beigne. C'est un drame qui s'est abattu pendant le concours de celui qui bouffe le plus de beigne du magasin Voodoo Donut basé à Denver. Il y a un drame qui s'est abattu là-dessus. J'ai vraiment hâte. Le jeune Travis Malouf, 42 ans, est décédé hier en tentant d'avaler une beigne glacée d'une demi-livre. La cause du décès serait l'asphyxie due à l'obstruction des voies respiratoires par la pâte frite, selon la déclaration du médecin effectuée ce matin. Malouf était le participant du challenge connu du magasin Texas Challenge, Tex-Ass Challenge, dont le but est d'avaler une beigne massive équivalent à 6 donuts dans une limite de temps de 80 secondes. Il n'a donc pas pu gagner le repas gratuit et le macaron qui constituait le premier prix de ce concours. Puis il vient de tuer le fun de tout le monde pour toute la vie, là. On pourra plus jamais faire ça. Le beigne a tué le gars. Il y a un trou dans le milieu. C'est le gars qui a tué le Bane. C'est quoi? J'ai pas la photo du Bane, mais si Bane, ça faisait faire un gros truc dégueulasse, comme le font les Américains. Oui. Toujours dans la nourriture, David Randall Bertram, mais oui, c'est un nom, d'accord, 41 ans, a été détenu à Fort Walton Beach en Floride après avoir commis un vol estimé par la police de 10,38 $ de saucisses. Pendant son escorte à la voiture de police, il a pris la poudre d'escampette à toute allure. Il traverse le voisinage, le trafic autoroutier pour se retrouver un peu plus loin sur un pont. Encerclé par la police et sans autre issue, il saute du pont du hauteur de 7 à 8 pieds. Mais il en fallut plus qu'une simple cheville brisée pour intercepter le voleur de saucisses, la police ayant dû le taser deux fois afin de l'immobiliser. Tout ça pour des saucisses. Quand j'ai vu 10 $ de saucisses, ouais, ça vaut quand même, là je suis pété quand même. Et on finit avec une nouvelle en France. Ils volent des frites. Les aînés n'entendent pas en rester là. Depuis 2015, les résidents d'une maison de retraite à Saint-Marcel, en Saône-et-Loire, en France, ne mangent plus de frites à la cantine, selon nos confrères du journal de Saône-et-Loire. Merde, j'ai oublié de dire ça. En cause, un problème de friteuse qui a été mise hors service en raison de fuites d'huile dangereuses. Leurs résidents ont adressé des plaintes à la direction de la maison de retraite ainsi qu'à la mairie pour, je cite, « mettre la pression ». Et ils ne comprennent pas pourquoi la maire ne fait rien. Raymond Burdin, maire de la commune, souligne « Nous préférons attendre pour repenser les équipements dans leur ensemble et les adapter aux besoins des résidents. » Il n'est donc pas à l'ordre du jour de remplacer la friteuse de la maison de retraite, car ce remplacement est de 4 000 €. Et oui, désolé, les vieux... Ben oui, les vieux, ils n'ont pas de frites. Pas de frites, ben ouais. Voilà. On termine sur ce beau scandale et voilà. Merci. Oh, on peut l'applaudir. Merci à vous. Sinon, ben, raconte l'envers. Vous êtes vivant sur les internets. Bandcamp, Facebook. Si on veut suivre vos aventures, c'est quoi le mieux? C'est pas mal. C'est ça, comme tu as dit, Facebook, Bandcamp, Twitter, name it. Attendlever.com. Et sinon, qui a pensé à ce jeu de mots-là? C'est génial. Ouais, ben, en fait, c'est un brainstorming qui a mal viré. Ah. Donc, on cherchait un autre band sérieux. Puis on a vraiment réussi. Ça, ouais. Ben, c'est parce que, je veux dire, à un moment donné, tu sais, essayer de trouver des noms de sérieux, tu dis, ben, ok, fuck off, tu sais, je veux dire, tu lâches prise à un moment donné. Puis là, je sais plus trop, ça a parti de où, mais on était tellement rendu loin qu'on se disait qu'on voulait ouvrir un bar qui allait s'appeler le Cougar Palace. Un espèce de bar un peu comme le Beaugarde à Québec là, genre, je veux dire, il doit avoir de quoi ici aussi là, le bientôt feu Beaugarde. Ouais, bientôt feu Beaugarde. Puis on se disait, c'est ça, ouais, pour avoir un band qui s'appellerait Raton Lover qui jouerait là, là. Puis, là, on trouvait en première ça partie drôle, des là. Harlem Love Trotters aussi. Ouais, les Harlem Love Trotters, ouais. Ou les All Brand Mothers aussi. Bref, fait que c'est ça. Et voilà, à un moment donné, vous avez créé le rêve que vous avez vécu tout le monde ensemble. Ouais, ben on a eu tellement de fun, puis dans le fond c'est un peu ça le band. En gros, tu sais, ouais. on fait la musique avec beaucoup de sérieux, mais on n'est pas là pour se prendre au sérieux. Puis tu peux pas te prendre au sérieux quand tu t'appelles Raton Lover, ça arrivera jamais. Comme Kaé, c'est pareil. Ben Kaé, mais c'est sûr, même. Ouais, c'est sûr, on marche dans leur pas. Ben moi, il y a déjà une des. Le signal. Hey, mais il y a déjà une des. Là, tu vois, il est rendu à l'aise, mais au fini, bien. Ah ouais, mais c'est la bière, man. J'aurais dû commencer avant. Il y a un de mes amis qui m'avait déjà dit, hey, Criff, j'ai écouté ton album, là, ton band, tu sais, pis ça fait penser à du carré, mais en moins bon. Je l'ai pris comme un compliment. Ouais, au moins il l'a écouté, en tout cas. Au moins il l'a écouté. Ça demande quand même un levier de patience. Bravo à toi. Sinon, ben, on essaie de demander à tous les invités tout le temps, peut-être la dernière affaire avant d'aller écouter vos chansons. On demande un indicatif, genre ici Martin, ici Simon de Raton Lover, et à moins d'être torturé, je n'écouterai jamais 70%. Sortez ce que ça vous tente, là. Vous avez droit à un petit caucus de 30 secondes. Parfait, là. Comment t'as dit? Nous sommes Martin et Simon de Raton Lover, et on est témoins des hommes-oiseaux à Québec qui survolent le ciel, et leur message est clair, n'écoutez jamais 70%. Oh! C'est fabuleux. Merci, il est allé leitmotiv, on reconnaît le poète. Là-dessus, merci aux chroniqueurs beaucoup, merci aux techniciens là-bas, Alexandre Larocque, Merci ben gros, Stéphane Mallette, Olivier Godette, et on a Mathieu Potvin en renfort. Sinon, ben on tente ça pendant quelques minutes, puis on laisse la scène à nos deux amis de Raton Lover qui vont sortir la magie. Merci d'être là, je suis en public, on se reparle dans quelques instants. De plus en plus. Ah, j'adore ça. C'est un plaisir difficilement quantifiable. Dans quelques instants, on va écouter Raton Lover. Faut juste que j'arrête de parler. Merci. Raton Lover, mesdames, messieurs. Yeah, bonsoir, bonsoir. Comme vous saviez, on vient de Québec. Ça vous fait pas trop peur? Non. Les hommes oiseaux, oui, hein? Mais ils sont fins, les hommes oiseaux. Ils sont vraiment gentils, puis ils m'ont livré un message important. Ils m'ont dit: Simon, tu penses trop. si son cours est lent, le courant passe encore sous le ciel et sous les vents, à la vie, à la mort. Mais la première danse, danser, penser. Quand danse, danser, penser, le passé. So let go, let go. Le temps fait si bien les choses. Le temps fait si bien les choses. Je pense que tu penses trop. So let go, let go. Le temps fait si bien les choses. Le temps fait si bien les choses. Trois tunes, fait qu'on va passer tout de suite à la chanson titre de notre deuxième album qu'on vient de lancer en février dernier. Ça s'appelle Le sens du vent. J'ai choisi de m'enfuir. Seul avec mon ombre au milieu de nulle part à Québec. Si j'ai besoin de temps, c'est pour écrire. Faire enfin la lumière sur nos vieilles histoires. Thank you. l'ambition prend toute la place. On oublie à quel point nos sacs laissent des traces. On lève les yeux pour comparer nos ciels. Convoiter nos étoiles, c'est perdre l'essentiel. C'est l'heure de mon retour. Je vais laisser derrière. Tout ce qui nous a joué des tours. On a vu passer des hivers. Chacun ses plans. On peut changer de voile, mais pas le sens du vent. Mais pas le sens du vent. Mais pas le sens du vent. Mais pas le sens du vent. Merci. Alors, on vous en fait une petite dernière. Mais juste avant, c'est important qu'on vous dise qu'on est le 23 avril au Vert Bouteille. Fait que ça me tente de venir nous voir. On va être 5. Là, on est 2. Mais de toute façon, on a toute la même face dans ce band-là. Fait que ça change pas grand-chose. Vous savez pas trop lesquels vous avez rencontrés, mais ça, c'est pas important. Mais je vais vous donner un cue tout de suite. On est 2 Simon dans le band. Fait que t'as comme 2 chances sur 5, ça part bien. Hey, salut Simon. Puis c'est parti. C'est qui est plus roux, là? Le drummer, il est plus roux. Il y en a 3 drummers dans le band. Ouais, c'est mêlant, là. C'est mêlant, là. On aime ça être mêlant. Mais en gros, on poursuit avec une dernière chanson. 23 avril, Vert Bouteille. Ça me tente d'être là. Ça, c'était vraiment un grand plaisir de vous voir. Merci à la gang des douteux. Ouais. Tommy, Arnaud. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Quelle chronique. En tout cas, mais merci gang, on a vraiment aimé ça. Oui, merci. On finit ça avec le divan des cœurs brisés. Prends ton sac, la voix de paire de jeans. Y'a pas grand autre choix pour éloigner le spleen. À soir, on va refaire le monde. Puis si tu veux rester, prends le divan des cœurs brisés. Y'aura toujours une place pour toi sur le divan des cœurs brisés. J'ai vieilli rempli de mon père. On se foutra d'avoir l'air un peu débile. Quand les voisins vont nous voir danser au lever du soleil. Puis si tu veux rester, prends le divan des cœurs brisés. Y'aura toujours une place pour toi sur le divan des cœurs brisés. Pis si tu veux rester, prends le divan des cœurs brisés. Y'aura toujours une place pour toi sur le divan des cœurs brisés. Pis si tu veux rester, prends le divan des cœurs brisés. Y'aura toujours une place pour toi sur le divan des cœurs brisés. Y'aura toujours une place pour toi sur le divan des cœurs brisés. Y'aura toujours une place pour toi sur le divan des cœurs brisés. Mais c'est à Québec. Appelez-moi si vous avez besoin d'une place à Québec. By the way, on est là. Raton Lover, mesdames, messieurs, encore, s'il vous plaît. Ben oui. Merci, gang. Merci, merci beaucoup. En show le 23 avril qui s'en vient au Vert Bouteille, tout est dit, je pense. Merci, Martin, Simon. On a terminé avec ça la première partie de la soirée qui se veut l'enregistrement du podcast de 70%. À partir de maintenant, il va y avoir un VJ qui va prendre le contrôle de ce qui se passe en audiovisuel. On peut peut-être pousser ça un petit peu vers l'arrière, comme ça on va pouvoir descendre l'écran et messieurs de Québec vont pouvoir ramasser leurs affaires à la vitesse que ça leur tente. Dans quelques instants, on va avoir Mathieu Boudreau comme VJ. Mathieu, il est arrivé un petit peu par la porte d'à côté. On sait jamais, hein? Et il m'a dit que ta toune de... Ouais, peut-être que je suis mieux de pas trop parler longtemps. Hein? Tu sais, la toune que tu m'as montrée, là, j'ai beaucoup hâte de la voir. Est-ce que je peux le dire? C'est ouais, oui, vas-y. Parce que j'aimerais ça que... En tout cas, ça s'appelle La Coupe. En route vers la coupe. En route vers la coupe, parce qu'on n'oublie pas qu'il se passe un moment très important dans ce qui s'appelle la culture au Canada. Et c'est ça, là, il y a plein de millionnaires qui vont commencer à patiner pour avoir une Coupe Stanley. Et c'est quelque chose qui donne à réfléchir. Il y a des priorités dans la vie. Et là-dessus, Mathieu, je t'invite à prendre le contrôle. C'était de toute beauté. Merci à Raton Lover encore. Merci les gars, c'était super cool. Tapez vos mains ensemble, oui! C'est incroyable! C'est une journée magique qu'on va partager ensemble. Et on commence tout de suite avec un petit avertissement parfois. Hein. Il y a des choses que l'on ne sait pas. Puis, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je veux te faire découvrir les personnages. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision. YouTube! Yo! Okay. It's me, the original vlogger, Weird Paul. This is a waffle. As you can see from these videos shot in 1984, I've been vlogging for over 30 years. I also filmed my dad getting mad. My garbage. Get out of here right now. And my mom asking what I wanted for dinner. Do you want the rest of that chili for... Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@icloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. On a pesé record. Est-ce que je vois un pouce rassurant d'un technicien sympathique? Voilà, c'est fait. Merci beaucoup, messieurs. Encore une fois, la technique a gaulé. Une grosse amélioration ce soir. Vous allez sûrement le voir en visuel si vous nous regardez sur les internets. Merci encore à Alex Larocque qui a travaillé toute la journée là-dessus. Je pense qu'on arrive à quelque chose de stable, fiable et gentil. Donc, salut à tout le monde en ligne. On est très content de vous avoir avec nous. Nous, c'est le meilleur show du lundi gratuit au monde. Et ce soir, on a encore une très belle programmation pour vous. Ça va se terminer avec une version française d'un film qui s'appelle Dumbbells. Comme, tu sais, les dumbbells qu'on lève, là, les poids. Mais là, c'est Dumb parce que c'est drôle, c'est une comédie. Et il y a aussi Fabio dans le film. Mais c'est surtout, on est autour de moins 5 inutiles, là, mais c'est quand que tu rajoutes la traduction française, les gens... On tombe dans le moins 7, là. On est dans quelque chose de conséquent. Il y a eu beaucoup de personnes qui auraient dû aller faire autre chose plutôt que la version française de Dumbbells qu'on va écouter plus tard. Juste avant, ça va être VJ Mathieu Boudreau. Mathieu Boudreau qui, je pense qu'il a pris quelques livres à cette heure. Il est rendu avec une profondeur. C'est incroyable. Une innovation nouvelle cette semaine. Et il nous a amené un clip saveur de hockey là, parce qu'on va se faire saucer là-dedans encore. Calice. Au moins, on est ensemble, on lâche pas. Juste avant, d'ailleurs, on va avoir une performance live de nos invités, les charmants Martin et Simon de Raton Lover, qui sont avec nous pour une entrevue et un 70% magique. Et pour réchauffer tout ça, hein, on est content de leur avoir avec nous. Je pense que la dernière fois, c'était à Saint-Jean l'année passée. Mesdames et messieurs, applaudissez Jean Arnaud, s'il vous plaît. Merci, Tommy! Ça va, tout le monde? Yeah! Par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui ont des noms bizarres ici? Yeah! OK, ça commence bien. Je vais te rassurer, moi, ma mère s'appelle Conchita. OK? J'ai fait une étude sur la planète. Elles sont deux. Ma mère et le singe dans Tarzan. Après sa naissance, le gouvernement a décidé d'interdire ce prénom. Ma mère est maintenant considérée comme une espèce protégée. Mon père n'a plus le droit de la battre. C'est sale. Mon père, lui, il s'appelle Barthélemy. Barthélemy, un nom cool si tu es moine au 8e siècle. Et ils se sont bien trouvés quand même les deux parce que t'as plus de chances de te faire attaquer par un raton laveur trois fois dans la même journée que de croiser un couple qui s'appelle Conchita et Barthélemy. Moi, je pense qu'ils se sont croisés durant une soirée des séances des prénoms anonymes. Ça n'existait pas avant, mais ils l'ont créé rien que pour eux. Et moi, ils m'ont appelé Jean. Jean, on voit bien qu'ils sont pas rancuniers dans leur vie. Moi, à leur place, j'aurais fait un mix de leurs deux prénoms, genre Barchita, pour bien que je souffre dans ma jeunesse. Moi, je viens d'un petit village dans le sud de la France. Je pense que ça s'entend un peu. Hein? Votre sport national ici au Québec, c'est le hockey. Un sport vif, endurant et physique. Nous, dans le sud de la France, c'est la pétanque. Le seul sport au monde où tu joues avec une cigarette à la bouche et un verre de pastis à la main. Quand tu arrêtes ta carrière de joueur de pétanque, c'est parce que tu as une cirrhose du foie ou un cancer des poumons. Le seul effort physique de ce sport, c'est de se baisser pour ramasser les boules à la fin de la partie. Et moi, je me souviens, tous les samedis soirs, dans mon petit village, il y avait un concours de pétanque. Tous les joueurs du département étaient réunis. Ça puait le pastis à 3 km à la ronde. Et le prix du concours, c'était un cochon en entier. Hein? Autant au point où on en est, autant ajouter un peu de cholestérol pour les achever un peu plus vite. Et au bout de 10 verres de Ricard, ils devenaient tous fous. Ils se lançaient des boules de pétanque entre eux. On passait de la pétanque au lancer de poids. C'était un sport évolutif, en fait. Et maintenant, je suis au Québec. Plus zen ici. Vous êtes vraiment zen, les Québécois. Enfin, j'ai habité à côté de la station Berry-UQAM. Savez-vous qu'il y a plein de gens bizarres là-bas? Oh oui. Oh yeah. Tommy habite là. C'est vrai, Tommy habite là, ça m'étonne pas. Moi, je suis allé au zoo de Granby pour 35$. Alors que pour 3,25$, j'avais Berry-UQAM juste à côté de chez moi. Et tu sais, à côté de, à l'entrée de, du métro Berry-UQAM, t'as toujours des dealers de drogue avec une mentalité de hyène affamée. Et tu comprends pourquoi les hyènes au zoo de Granby, elles sont dans des enclos. Un jour, je voulais acheter pour 40$ de potes, je te jure que c'est vrai. À la place, j'ai eu du persil. Du persil. Bon, mes sauces à spaghetti ont meilleur goût maintenant, mais bon. Et, tu sais, moi, j'ai... je comprends pas. Les gars qui draguent dans le métro, d'où vous vient votre répartie pour aborder les femmes? C'est vrai. Moi, j'ai vu un gars au métro Berry-UQAM aller voir une fille et lui dire « Yo, pour aller chez toi, je prends la ligne verte ou orange ?» La fille lui a répondu « Tu prends une amende de 500$ pour outrage à une inspectrice de la STM. » Un vautour, le gars. Il se jette sur tout ce qui passe. Mais au moins, le vautour, lui, il a une bonne vue. Un inspecteur de la STM, pour moi, c'est comme les boucs qu'il y a dans la zone ferme, dans les zoos. Quand tu rentres dans l'enclos et qu'il n'aime pas ta face, tu peux être sûr qu'il va te charger. Et j'ai cherché la vraie définition d'un inspecteur de la STM sur Internet. Et j'ai trouvé « personne ayant échoué au concours de police ». C'est ça la vraie définition d'un inspecteur de la STM. Je me suis fait attraper, moi, dans le métro sans titre de transport. Il y a des gens qui s'est déjà arrivé, ça? Ah ouais? Oui, oui, ça va, je suis pas le seul enculé ce soir. Et si j'ai un conseil à vous donner un jour, si vous voulez frauder, enjamber la barrière, ne passez pas par en dessous à quatre pattes, ce n'est pas discret du tout. C'est comme ça que je me suis fait attraper. Je suis allé à la station Monk la dernière fois, parce que j'avais rien à faire. La station Monk, c'est comme les volières dans le zoo. Tout le monde sait qu'elle existe, mais personne n'y va. Et si j'ai un conseil à vous donner, si un jour vous voulez vous balader, allez plutôt vers la station de la Savane. Il n'y a rien aussi, mais au moins le nom sonne plus exotique. Et pour donner mes amis, je vais vous raconter un truc. La dernière fois, je suis allé au club Cléopâtre. Par plaisir, il y a des gens qui connaissent le club Cléopâtre. Ouais. Bande de petits coquins, là. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Dollarama des clubs de striptease. De loin, tu crois que c'est beau, mais arrivé à l'intérieur, tu comprends pourquoi c'est pas cher, tu sais. Il y a une odeur de silicone brûlé dedans. Et ce qui est bizarre, c'est que les trois quarts des danseuses sont en pré-retraite et le reste, tu te demandes combien elles sont encore debout. Les danseuses au Cléopâtre se sont fait tellement ploter les seins qu'ils ont une forme de prise qu'on trouve sur le mur d'escalade, tu sais. C'est dégueulasse. Et quand tu regardes un show d'une danseuse au Cléopâtre, tu n'applaudis pas parce que c'était sexy. Non, non. Tu applaudis parce que la danseuse a réussi à tenir debout pendant toute la chanson. Il y a des cordes au plafond pour le soutenir. On dirait des pantins un peu, tu sais. Je crois que c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Jean Arnaud, mesdames, messieurs. Super créative. Ici Marie-France de Montréal Striptease à l'émission 70% à chaque FM. Alors, je suis pas gêné de dire que ça dure 15 minutes. Je suis pas gêné de dire non plus que c'est mon dernier clip. Merci d'avoir assisté à ça. C'était bien le fun de vous montrer ça. Merci. Merci. On l'écoutera pas au complet, là. Un bout. Avec VJ Mathieu. C'était de toute beauté, vraiment comme du fromage. On commence l'encan de douteux, car vous savez, hein, on est un organisme à but non lucratif, donc on est pauvre. On commence avec Psychose, l'original, en VHS. Oui, on a vérifié, Zoé. Ouais. Désolé. ouais, c'est Psychose, hein? Psychose avec Anthony Perkins, grand film de Alfred Hitchcock. Donc, on commence à 1$. Qui met 1$ sur Psychose? Norman Bates est joué par Vince Vaughn. Oh! C'est l'autre version, on s'excuse. C'est la version avec Vince Vaughn. C'est une copie conforme, par contre, de l'original. Vous vous tromperez pas, c'est le même film, mais 40 ans plus tard, avec d'autres acteurs. Avec Vince Vaughn, qui joue Norman Bates. Si vous ne l'avez jamais vu, ça vaut la peine. Qui veut mettre 1$ sur ce risque? Une pièce. Une pièce, on a 1$. 1$ une fois. C'est un grand film, pareil, là, l'original. Mais c'est la même affaire. Fait que vous vous tromperez pas, là. 1$ deux fois. 2$! On a un connaisseur. 2$ pour le remake de Psycho. Psychose, version française. C'est qui l'a réalisé? Ah, Gus Van Sant, ouais, c'est ça. Yeah. Bon, OK. Fait qu'on est à 2$ une fois. 2$ deux fois. 3$! Wouh! Hey, hein? Ça fait mal aux yeux. 3$ deux fois. 3$, 3 fois vendu. Wow! On a peut-être fait plus d'argent qu'à la sortie du film. Là, on a un Monopoly Vintage. Il est complet. On l'a vérifié, n'est-ce pas? Y a-tu le chapeau? Y a-tu la voiture? Bon, OK. C'était un Monopoly old school. Il manque beaucoup d'argent. Il manque tout. Donc, si vous voulez compléter un Monopoly old school, on a ce qu'il vous faut. Tabarnak. On a une boîte avec quelques pions. Le board, il est... le board n'est pas là. Donc, on va fractionner ça à 50% de ce que vous allez mettre dessus. Donc, on part à quoi? Ça pêche une scène. Moi, je te paye une pièce, tu colles ça au bout de ton OK, donc on met une pièce. Qui veut compléter un Monopoly old school? Une pièce, une fois. OK, on s'en va. OK, bye. Bye. Bye, c'est Mathieu qui le prend. OK. Bon, on n'aura pas atteint notre... OK. Ça, c'est un poster d'un film. Hein? Je sais pas c'est quoi, c'est Reform School Girls. Un film de New World Vidéo. Il y a des popounes. Ça a l'air un peu Ilsa la Louve des SS. Puis, they talk dirty, they play rough, and they take long, long showers. Ça peut n'être qu'un bon, un bon film. Bon, fait que, qui commence à biter là-dessus? $2. À biter là-dessus. Ben ouais, ça c'est en anglais, ça. À biter là-dessus. Bêter, ouais, t'as raison. Bon, $2 une fois. $2 deux fois. Hey, messieurs, regardez ça, là! Des popounes! $2 deux fois. $2 trois fois vendu fromage fondu. Pendant qu'on sort le dernier, je vais en profiter pour humilier Capitaine Flamme devant le public. Fuck you! T'es un scab! Tu voles la job des autres! Hey, Capitaine Flamme! Hey, Capitaine Flamme, là, il était pas aussi hot que lui, Albator. Puis Koldarak non plus. Puis lui aussi, il est hot. Lui, c'est géant. Vous le connaissez, géant? Non, c'est pas géant. C'est pas géant? Mais non, c'est Courteau. Non, c'est ça, c'est Antoine Courteau. Antoine Courteau. Ben là, je peux pas le vendre, lui, Antoine Courteau, je le connais pas. Y a-t-il quelqu'un qui veut? Antoine Courteau. Un t-shirt sale. Antoine Courteau. Small. Édition limitée. C'est 50 cents. Ah, moi, je donne 4 piastres. 4 piastres. 4$ une fois. 4$ deux fois. 4$ trois fois. Vendu. C'est fini. Je vous remets à Tommy Godette. C'est officiellement le pire enquête de toute l'histoire. Merci beaucoup. Kevin, c'est pas de ta faute à toi, c'est de la faute à... À Monopoly! Non, c'est les immigrants, moi, j'ai entendu dire, c'est en site, c'est beaucoup de leur faute, là. Les immigrants, ils viennent d'ailleurs, puis ils amènent des idées, puis ça, on est... Non, merci, tu sais. J'en parlerai vraiment pas longtemps, c'est... Il y a quelques longs-métrages qui me viennent en tête quand on parle de doublage francophone assez mauvais pour que le doublage devienne... l'aspect principal de ce qu'on va diffuser. On connaît tous Savage Waters qui parle de karma et de biscuits. Il y a aussi Blood the Freak, le film du gars qui fume du pot puis qui se transforme en dinde et que la grosse c'était quand même assez capoté. Et on a bien entendu Vice Academy 3 qu'on a diffusé ici. Vice Academy 3, pas le 2. Le 2, c'est pas la même équipe de traduction. Ce soir, c'est un glitch. Tous ces films-là, là, c'est des affaires qui datent des années 70-80 que je viens de parler. Le plus récent, c'est Vice Academy 3 en 1992 à peu près. C'est un folichon que toutes les filles sont anorexiques puis que tous les gars sont horny tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sont horny, c'est la même affaire. Et donc, en 2014, il est arrivé Dumbbells. Un long métrage qui se vante d'avoir Fabio dedans lui. Et j'ai lu à quelques endroits que ça avait été traduit par du monde en Afrique du Sud qui ont fait ça à la va-vite, qui pensaient pas que c'était pour finir là. Vous allez l'entendre tout de suite, ça va vous mettre mal à l'aise et ça va durer une heure et demie. C'est pour ça que j'ai fini de parler. Messieurs à la technique, encore une fois, merci beaucoup Alexandre Larocque, Olivier Godette, Mathieu Potvin et Stéphane Mallette. Merci, on est là chaque lundi. Lundi prochain, ça s'enligne pour être... J'adore, c'est probablement le titre de film que j'aime le plus mentionner, mais c'est No Retreat, No Surrender 2. 2. Raging Thunder, version française, cœur de kickboxer. Ça s'enligne pour être ça. C'est un de mes films préférés. Là-dessus, on écoute Dumbbells de 2014. On est 27 ans après Star Wars. Merci.